brain, que les poètes ont disparu. Leurs chansons courent encore dans les rues. Hola, me llamo Andrés, eso es la chanson. En ignorant le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait leur cœur. Tenemos hoy con nosotros Miguel à la technique. Et quand on est à court d'idées, on fait la la la la la la. Este es un programa mensual cada segundo lunes de mes a esta hora sobre la canción francesa. Hoy empieza la feria de abril. Alegría, alegría, tranquilidad, que no vamos a escuchar si vienes en francés. Pero es la oportunidad para escuchar canciones que hablen de fiesta, de marcha, de pasárselo bien. Tradicionalmente, como aquí en Sevilla, están las dos partes de la fiesta, la del baile y la del circo, de las atracciones, de los cacharritos. Empezaremos con la parte de las atracciones. Vamos a escuchar, para empezar, una canción de Yves Montand, que ya conocemos de sobra en este programa, que se llama Luna Park. Luna Park es un nombre propio, es una cadena, una empresa que instaló parques de atracciones en todo el mundo y en París hubo uno muy grande al oeste de París, entre lo que es hoy París y La Défense, la Defensa, y funcionó entre 1909 y 1948. En aquella época era el principal lugar de recreo de los parisinos, lugar de diversión, de socialización y de perdición, ¿cómo no? En esta canción de 1944, un joven Yves Montand nos cuenta que después de su jornada en la fábrica, donde se aburre con siempre los mismos gestos mecánicos, que después de esa jornada solo tiene una idea en la cabeza, irse a Luna Park, donde todo el mundo lo conoce, no es anónimo, es alguien, habla con las personas que se encuentran aquí y se lo pasa muy bien, y hay chicas también. Escuchamos Luna Park de Yves Montand del año 1944. Vous vous souvenez, dans mon usine de Puteaux, on peut dire. Dans mon usine de Puteaux, on peut dire que j'avais le fin boulot. Ça faisait bien 365 jours de long que je vissais toujours le même sacré petit boulon. Mais cela ne m'empêche pas de chanter. Il est le kid, il est le kid, il est le. Dès que j'ai ma petite aire de liberté. Il est le kid, il est le kid, il est le. Je vais tout droit à Luna Park. Dans le jour cru tel Lamsac. Sur la chenille, je vois les filles. Je vois les filles d'or de sous en soie en fil ou en pilou. Et le pick-up chante comme moi. Il est le kid, il est le kid, il est le. Hey, il est le kid, il est le. Le travail, c'est ahurissant. Pour le corps, c'est bien salissant. Quand je touche ma paye vers la fin du mois, je sais qu'à plutôt il y a des gars plus riches que moi. Mais cela ne m'empêche pas de chanter. Il est le kid, il est le kid, il est le. Luna Park est ma réserve de gaieté. Il est le kid, il est le kid, il est le. À tous les stands, je suis salué des patrons et des habitués. Garçon des filles, chez ma famille, partout ailleurs je ne suis rien. À Luna Park, je suis quelqu'un, vive Luna Park et vive la joie. Flé-le-le, flé-le, flé-le, flap du corps. et l'incomparable Yves Montand. La seconde canción de Edith Piaf se llama La fête continue, La fiesta sigue. Trata el mismo tema de las atracciones, pero con otro enfoque. Música y cacharritos, turrones, escopetas, pitonisa, canciones. La fiesta sigue y reúne a todos, jóvenes y viejos, enamorados y solteros, a pesar de los dramas que viven cada uno en su vida diaria. Y la vida sigue y la fiesta también. Escuchamos La fête continue de Edith Piaf, una canción del año 1950. La fête bat son plein, musique et manège. Nougat, carabine, voyante, femme nue. Du matin au soir, c'est un long cortège. Chanson, balançoire, la fête continue. À l'étage en dessous, il y a des gosses qui braillent. Le père est malade, la mère est partie. Il fout des taloches à toute la marmaille. Mais le bruit de la fête couvre tous leurs cris au-dessus de jeunes gens. Faut voir comme ils s'aiment. Oui, mais leurs parents ne veulent rien savoir. Ils ont décidé qu'ils s'aimeraient quand même, puis qu'ils se tueraient. Et c'est pour ce soir, la fête bat son plein, musique et manège. Nougat, carabine, voyante, femme nue. Et du matin au soir, c'est un long cortège. Chanson, balançoire, la fête continue. Plus haut, c'est une veuve, plus rien ne l'intéresse. Elle n'avait qu'un fils, c'était toute sa vie. Il a disparu en portant la caisse. Depuis ce temps-là, elle pleure jour et nuit. Le petit garçon qui sort de l'école a eu un zéro, il sera puni. Et dimanche prochain, c'est ça qu'il désole. Au lieu de la fête, il restera chez lui. La fête bat son plein, musique et manège. Nougat, carabine, voyante, femme nue. Que du matin au soir, c'est un long cortège. Chanson, balançoire, la fête continue. En face, les petits vieux qui sont bien aimables ont perdu leur fille depuis 25 ans. Ils n'ont qu'une marotte, faire tourner les tables. Esprit, es-tu là? Et ils sont contents. Et moi, comme tout le monde, j'assiste à cette drame. Mais je ferme les yeux, je pense à mon bonheur. Nous nous sommes donnés tous deux corps et âme. On est trop heureux pour avoir du cœur. La fête bat son plein, musique et manège. Baiser, carabine, je t'aime, femme nue. Que du matin au soir, c'est un long cortège. Amour, balançoire, la fête continue. La melancolía de una época. Seguimos con una canción que es el primer verdadero éxito de un joven Guy Béard, que nos ha dejado el pasado mes de septiembre 2015 con 85 años después de casi 60 años de carrera. Marcó su época. Algunas de sus canciones, como la que vamos a escuchar, Valse Temporel, Baile en Casa Temporel, que es el nombre propio del sitio, podríamos decir, se han quedado para siempre en la memoria colectiva. Después de una vida cosmopolita, porque nació en Egipto, vivió en Líbano, en Estados Unidos, en México, por razones familiares, y una carrera de ingeniero, se instaló en el panorama musical con sus ritmos lentos y su guitarra.

ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux, ils faisaient la même prière d'être toujours, toujours heureux. Parmi les gravats, ils souriaient dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Et puis quand l'accordéoniste s'est arrêté, ils sont partis. Le soir tombait dessus la piste, sur les gravats et sur ma vie. Il était redevenu tout triste, ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant de lumière avec eux dans la rue. Alors la belle affaire, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. C'était bien. L'accordéon est l'instrument imprescindible en tout baile que se précie. Escuchamos ahora una canción de Jean Ferrat que ya no voy a presentar aquí. Ya hemos escuchado varias canciones de Jean Ferrat. Esta canción se llama La Fête aux Copains, la fiesta de los amigos. Es la fiesta de los amigos, hay baile en los barrios, es la fiesta de los cornudos, es la fiesta de los niños, es la fiesta de todo el mundo, es la fiesta de los dos, es la fiesta del amor, mi corazón en tres colores, como por el 14 de julio. Escuchamos la Fête aux Copains de Jean Ferrat del año 1962. C'est la fête aux copains, c'est la fête à Pantin, c'est la fête à Paname. C'est la fête aux lilas, la fête ici et là, c'est la fête à mon âme. Il y a du défilé, du bal, dans les quartiers, des mouflets que l'on gronde. C'est la fête aux barbus, c'est la fête aux cocus, c'est la fête à tout le monde. 14, c'est fou ce que t'es triste quand sur un édifice t'es suivi de 18. 14, c'est fou ce que t'es gai quand au calendrier t'es suivi de juillet. C'est la fête aux copains, c'est la fête aux trottins qui suivent la musique. C'est la fête aux marins qui montrent dans un coin comme on danse en Afrique. C'est la fête à Taupin, le vieux républicain qui règle les sous-tasses. C'est la fête au tambour, c'est la fête à l'amour où tout le monde s'embrasse. Allez, allez, allez bien. C'est la fête à Melon, c'est la fête aux lampions, c'est la fête aux étoiles. C'est la fête en plein air, il y a de la joie dans l'air et du vent dans les voiles. C'est la fête à la rue où tous ces inconnus vont ranimer leurs flammes. C'est la fête où l'on rit en voyant que Paris sera toujours Paname. Allez, allez, allez, viens. C'est la fête à nous deux, si tu me pousses un peu, je te dis je t'adore. Quand tu m'as répondu, ma parole t'a foutu, mon cœur en tricolore. Et c'est ta fête à toi, et c'est ma fête à moi, c'est la fête aux bêtises.

du petit matin. Venez pleurer, copain, copain, copain, allez, allez, venez, venez, allez, venez pleurer, se pleure les yeux dans les seins. La fiesta sirve para olvidarse de la rutina. El ser humano necesita de vez en cuando darse un poquito de alegría. Pasamos a un ambiente totalmente distinto del anterior. Vamos a escuchar una canción que se llama Le Twitz Agricole. El Twitz Agrícola. Es una canción humorística de un quatuor que fue famoso en Francia, que actuó de 1946 a 1982 y se llama Les Frères Jacques. Les Frères Jacques no eran hermanos, pero eran cuatro hombres que hacían actuaciones musicales más que canciones. Este grupo no tuvo parangón en mezclar canción, humor, mimo, poesía y también crítica social. Con su peculiar atuendo de bigotes fornudos, sombreros negros, pantalones ajustados, y es un grupo importante en el panorama musical. Por la noche, cuando los bueyes han vuelto al establo, apartamos las sillas y la mesa, y el primo Víctor coge su violín, yo cojo a la María, nos hacemos frente, ella hace ye ye, se quita los zapatos y bailamos toda la noche. El Twitz Agrícola es la verdadera felicidad del cultivador. Escuchamos pues le Twitz Agricole de Frère Jacques del año 1963. Et André Pop, le Twist Agricole. Passer dans dans les patates. Quand on a très émaché, qu'on vient faire ses foins, ça fait un sacré bien, se tortiller les pattes. Une seule décomplexée en portant son parsa. Et quand vient le matin, on repart pour l'ouvrage. Et moi et la mari et le cousin Victor. Et pendant tout le jour, on s'est marré courage dans le creux des sillons de la graine de Transistor. Le twist agricole, c'est ça qui nous colle. C'est le répondeur des petits ultimateurs. Le twist du rural, c'est phénoménal. On a ça ensemble, le twist paysan. Hay que verlos en escena. Por la radio nos perdemos esa parte. Bueno, saltamos de década. Escuchamos ahora a Michel Sardou, que ya conocemos en este programa. Su canción Les Bals Populaires, Los Bailes Populares, es uno de sus mayores éxitos. Estamos aquí para beber, estamos aquí para hacer los locos, para reírnos escuchando aires populares. Cada uno quiere su canción. Las abuelas bailan su tango, el obrero parisino da vueltas y vueltas, y las chicas del sábado dan vueltas alrededor. Les Bals Populaires de Michel Sardou del año 1970. L'ouvrier parisien, la casquette dans l'arrière, tourne, tourne, tourne bien. Dans les bals populaires, les raquelles du samedi, du bleu sur les paupières, tourne, tourne, tourne aussi. Mais là-bas, près du comptoir en bois, nous on ne danse pas. On est là pour boire un coup, on est là pour faire des fous. Et pour se revoir à vous, mais pas payer nos verres pour boire à vous. Et je dirais même un bon goût et rigoler entre nous sur les airs populaires, sur les airs populaires. Dans les bals populaires, quand l'accordéon joue, le tango des grands-mères, elles dansent entre elles et l'on s'en fout. On chante un peu ce qu'on veut, moins on fait de manière et plus ça tourne, tourne mieux. Mais là-bas, près du comptoir en bois, nous on ne danse pas. On est là pour voir un coup, on est là pour faire des fous et pour se revoir un coup, mais pas payer nos verres pour voir un coup. Et j'irai même un bon coup et rigoler entre nous sur les airs populaires, sur les airs. Sa chanson, l'orchestre juste qu'il sait faire, ça tourne tout plus ou moins rond. Dans les bals populaires, quand le barman s'endort, même après la dernière, ça tourne, tourne, tourne encore. Mais là-bas, près du comptoir en bois, nous on ne danse pas. On est là pour voir un coup, on est là pour faire des coups et pour se revoir un coup, mais pas payer. Et je dirais même un bon coup et rigoler entre nous sur les airs populaires, sur les airs populaires. On est là pour boire à vous, on est là pour faire des fous et pour se revoir à vous, mais pas payer nos verres pour boire à vous. Et je dirais même un bon coup et rigoler. La fiesta es sinónimo también de liberación de las ataduras y es lo que celebra Michel Fugain en la siguiente canción, La Fête, La Fiesta. Michel Fugain lleva más de 50 años cantando y tuvo su época de gloria allá en los años 70. Tiene un estilo desenfadado interpretando algunos temas que se recuerdan hasta el día de hoy, como este. Todo ha cambiado esta mañana, no entiendo nada. Es la fiesta, jóvenes y viejos somos todos amigos, nada es igual. El pan y el vino son gratis, el aire es puro y el agua sabe a agua. Es el paraíso, es la libertad. Bailemos todos. Escuchemos La Fête de Michel Fugain del año 1972. Tout a changé ce matin, je n'y comprends rien. C'est la fête, la fête. Jeunes et vieux, grands et petits, on est tous amis. C'est la fête, la fête. C'est comme un grand coup de soleil, un vent de folie. Rien n'est plus pareil aujourd'hui. Le monde mort et enterré. On peut respirer, c'est la fête, la fête. Plus de bruit, plus de fumée, puisqu'on va tous à pied. C'est la fête, la fête. Le pain et le vin sont gratuits, et les fleurs aussi. C'est la fête, la fête. C'est comme un grand coup de soleil, un vent de folie. Pareil aujourd'hui. Depuis le temps qu'on en rêvait et qu'on en crevait, elle est arrivée. C'est la fête, la fête. Merde, que ma ville est belle sans ces putains de camions. Plus de gasoil et du gazon jusque sur le courant. Merde, que ma ville est belle avec ces gosses qui jouent. Qui rigolent et qui Seguimos con una famosa canción de Renaud. Cuenta, como siempre, en tono irónico en esta canción, cómo con su pandilla va a armar jaleo en una sala de baile, consciente de que es posiblemente la última vez que lo van a machacar y que mañana su foto muerto saldrá en el periódico. Efectivamente, el teniente de alcalde del pueblecito de la sala de baile viene con su rifle para restablecer el orden y acaba con su vida. Seguimos esperando el próximo álbum de Renaud que anuncié por Navidad. Tenemos de momento un título que se llama Toujours debout, sigo al frente. Escuchamos C'est mon dernier bal de